Avec Audiolib, Véronique Olmy lit son nouveau roman. Une lecture intime, la chronique d'une époque. Mai 68, tu croyais que c'était quoi ? Tu te souviens seulement que maman faisait des réserves de sucre et qu'on trouvait plus d'essence ? Mais le monde se réveille, Hélène ! Une voix juste et puissante. Les évasions particulières de Véronique Olmy, disponibles en librairie et sur audiolib.fr. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La chance a bien souvent souri à l'aventurier Joseph Kessel. Aviateur durant la Première Guerre mondiale, il est revenu indemne de quelques 150 missions au-dessus des lignes allemandes. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il réussira à ne pas faire partie des prisonniers ni des fusillés pour l'exemple. Et pourtant, Kessel disait ne pas savoir ce qu'était le bonheur. Et s'il a su se maintenir en vie, cela n'a pas été le cas de nombre de ses proches. Ce qui a fait de lui aussi un grand mélancolique, comme nous l'avons vu hier en compagnie de Gilles Ray au cours de notre émission biographique. Et parmi les morts de Kessel, il y a eu sa première femme, Sandy, emportée par la tuberculose. Mais d'autres femmes ont jalonné la vie de cet écrivain, et notamment la chanteuse et actrice Germaine Sablon. Nous parlerons justement de cet amour demain avec Dominique Missica, qui reviendra également sur la période de l'occupation et de la résistance. Enfin, jeudi, nous terminerons notre série avec Olivier Weber, l'auteur du dictionnaire amoureux de Kessel. Il viendra notamment nous parler de la série romanesque Le Tour du Malheur, ainsi que de la question de la foi chez son auteur. Et aujourd'hui ? J'ai écrit un premier volume de nouvelles qui s'appelle La Steppe Rouge, sur la Russie, et puis l'équipage, et avec ça, après ça, la vie a été facile au point de vue voyage, au point de vue travail, au point de vue publication, puisque la chance a voulu qu'il ait eu un grand succès tout de suite, que mon premier roman ait vraiment été un best-seller. On ne disait pas ça à l'époque, mais enfin un grand succès. Aujourd'hui, pour un panorama de l'œuvre de Kessel, nous sommes en votre compagnie, Serge Dinkes. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Vous êtes maître de conférence à l'Université de La Rochelle et chercheur à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Vous avez dirigé l'édition de la Pléiade des romans et récits de Kessel, comme vous aviez déjà co-établi l'édition du volume 3 des œuvres romanesques de Stendhal. C'était en 2014. Alors dans votre introduction aux romans et récits de Kessel, vous rapprochez justement ce journaliste et écrivain du romancier Stendhal. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en commun, selon vous ? Un même style, une écriture de la simplicité, un même rythme, le plaisir peut-être de raconter tambour battant une histoire. Comment les rapprocher ? Alors, je crois que Kessel est l'héritier d'une série de romanciers qu'on pourrait qualifier de réalistes du 19e siècle, parmi lesquels on peut classer évidemment Balzac, Stendhal, mais on pourrait mettre aussi Flaubert, Zola, d'une façon très large. Ce qui rapproche Kessel de Stendhal, c'est certainement cette attention qu'il a au plaisir du lecteur. Pour Stendhal, ça a toujours été quelque chose d'important, et il en a débattu notamment dans Racine et Shakespeare, en voulant simplement une littérature qui était adaptée à un peuple et à un siècle, enfin à un temps en tout cas, et on retrouve chez Kessel cette même attention. Et puis l'autre chose aussi peut-être, c'est que Stendhal était peu attentif aux modes, peut-être aussi pour ça qu'il avait finalement assez peu de succès à son époque. Les diffusions étaient parfois confidentielles, hein, même pour Le Rouge et le Noir. Et Kessel a eu la même attitude en évitant de suivre les modes et en persistant dans sa façon d'écrire, sauf que lui a rencontré le succès assez rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une mode à parler de l'aviation, par exemple, en ce début de XXe siècle, où c'est vraiment la grande technologie dont tout le monde parle? Alors, je pense que Kessel ne suit pas l'effet de mode, c'est-à-dire qu'il est dans cette mode-là, un peu par force, puisque les reporters utilisaient tous les moyens de communication et de déplacement. Et alors s'il y a peut-être l'effet de mode de l'aéropostale, qui est quelque chose de très important, mais que c'est aussi des gens que Kessel côtoie, c'est-à-dire Mermoz, Saint-Exupéry, ce sont des eux aussi des reporters la plupart du temps. Et Kessel a naturellement tourné son attention vers l'aviation. Et je pense que l'aviation, c'était aussi une fascination que Kessel avait, qui avait gagné Kessel en quelque sorte dès la Première Guerre mondiale. Et la poursuite sur l'aéropostale était quelque chose d'assez naturel finalement. Ouais. Alors est-ce que c'est un écrivain du 19e? Est-ce qu'il a gardé ce ton des écrivains du 19e, lui qui est né 2 ans avant le 20e siècle? Alors je ne sais pas s'il a gardé le ton, mais en tout cas il a essayé d'écrire dans cette lignée. Alors, je parlais tout à l'heure de Zola, Stendhal et d'autres. J'aurais dû rajouter évidemment Dumas pour l'aventure. Les fameux Trois Mousquetaires, et puis aussi un héritage russe qui est lié à Tolstoï et Dostoïevski. Alors là, qui dépasse simplement la façon d'écrire, puisque chez Tolstoï et Dostoïevski, pardon, ce qui l'intéresse, c'est l'opposition qu'il y a entre le bien et le mal, l'interrogation existentielle, le problème de l'existence de Dieu, le fameux Tout est permis, vous en reparlerez jeudi avec Olivier Weber et Le Tour du Malheur, évidemment. Et il est donc dans cette tradition du roman qu'on peut appeler réaliste, hein, dans le sens le plus large du terme, évidemment, hein, je ne limiterai pas ça au réalisme du 19e siècle, mais dans le sens complet du terme, donc de la reproduction de la réalité dans la littérature. Et il est toujours resté sur cette longue. Dans cette optique-là, il est l'héritier des grands auteurs du 19e. Mais alors, ne jamais être à la mode, Serge Linkès, c'est la garantie de ne jamais tomber non plus dans l'oubli. Et finalement, les deux gros volumes qui paraissent en Pléiade, je ne sais pas s'ils sont déjà un succès de librairie, mais on sent en tous les cas une espèce d'émulation autour de Kessel. Ça reste atemporel finalement, Kessel. C'est ça aussi sa grande force. Ne pas céder à la mode ou au courant ou aux écoles, c'est aussi se faire indémodable. Et je crois que Kessel... Alors, est-ce que c'était volontaire? Kessel, en fait, a élaboré son propre système qu'il a suivi. Et une chose est sûre, c'est que lui-même refusait d'adhérer à ce qu'il appelait une discipline. Et dans un échange qu'il avait eu avec Gilles Costa en 1969 pour Combat, alors il ne parlait pas du nouveau roman ou d'autres mouvements plus récents, mais il parlait du surréalisme, en disant qu'il ne pouvait pas adhérer à un mouvement comme le surréalisme, parce que justement c'était un mouvement qui demandait une discipline et qu'il était lui-même incapable de suivre une discipline. Il haïssait la discipline. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il ne faisait pas de sport. C'était un athlète, mais qui ne faisait pas de sport. Et donc voilà, c'est cette façon d'échapper à la mode, elle est aussi, comment dire, renforcée par par un succès qui est, comme il le dit lui-même, on l'a entendu au début, immédiat. L'équipage, c'est un succès immédiat et qui ne s'est jamais démenti. En tout cas au niveau des lecteurs, parfois au niveau de la critique, mais jamais au niveau des lecteurs. Même souvent, la critique a été un peu féroce avec Kessel, Le Tour du Malheur justement, dont on va parler, enfin on peut déjà en dire un mot, on en parlera oui. Peut-être plus particulièrement jeudi. C'était son grand roman, enfin il le considérait comme son grand roman, et la critique ne l'a pas vu, ou en tout cas n'a pas voulu lui reconnaître que c'était un grand roman. Alors justement, ce matin, je lisais la revue des temps modernes, dirigée par Sartre à l'époque, en 1950, et dans un des numéros, il y avait un rapport critique sur le Tour du Malheur, et le texte est intraitable, c'est-à-dire que c'est comparé à Fantomas, les premières lignes expliquent comment on explique qu'on se lasse directement du personnage et qu'on ne peut pas suivre. Voilà, effectivement, le texte est très dur. Il fait 2 pages et c'est 2 pages de rapports critiques qui sont vraiment qui ont dû faire très mal à Kessel. Bon, en dehors du Tour du Malheur, il y a quelques critiques parfois qui sont plus constructives, mais je crois que le Tour du Malheur a été vraiment quelque chose qui, parce que c'était une œuvre sur laquelle il s'était investi longtemps, on dit 10 ans pour l'écriture, mais lui-même parle de 20 ans, donc 20 ans d'écriture, 20 ans de réflexion, parce qu'il y a aussi de ce qu'on appelle le bouillon mental, hein, qu'on voit pas forcément apparaître sur les manuscrits, et 20 ans balayé d'un revers de main en deux pages pour vous dire que votre œuvre qui fait 4 volumes n'a aucun intérêt, évidemment, ça a dû être très difficile. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une victime, finalement, de sa propre façon d'écrire, sachant qu'il y avait un certain nombre de ses livres qu'il écrivait en 15 jours. Je pense par exemple aux Amants du Tage, dont on a assez dit que c'était un mauvais roman, hein. Ça a été adapté en film un petit peu plus tard par Verneuil. Est-ce que pour vous, justement, il n'y a pas une image finalement de dilettante, qui n'était peut-être pas d'ailleurs tout le temps qu'une seule, pas qu'une image, qui a nuit finalement à la réception critique de Kessel? Alors, effectivement, pour certains romans, le dernier que vous citiez était un bon exemple. Les Amants du Tage. Il y a eu Les Amants du Tage, il y a eu de l'alimentaire. Mais bon, dans tous les auteurs que je côtoie, il y a souvent des auteurs qui font de l'alimentaire. Même s'ils le font sous un pseudonyme, voilà, il y a très souvent des auteurs simplement pour vivre. Et quand ils vivent que de leur plume, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Kessel est journaliste pour une part et romancier d'autre part, et il ne vit que de son écriture. Alors évidemment, quand on est comme Stendhal, et enfin, il vivait très bien. Oui, il vivait très bien. Mais quand on est consul comme Stendhal et qu'on écrit pour le plaisir, en dilettante, c'est beaucoup plus facile. Donc certains auteurs sont parfois obligés d'écrire des choses simplement pour l'argent. Et puis, je crois que son image a été, je vais dire peut-être, parfois abîmé simplement par l'habitude qu'il avait prise d'écrire des reportages puis des romans sur le même sujet. Cette façon d'exhiber ce qui finalement faisait constitue le dossier de genèse d'une œuvre romanesque avait tendance à donner cette impression de recyclage, comme l'ont nommé certains critiques. On va revenir sur cette idée de recyclage, parce que c'est peut-être autre chose que du recyclage, c'est peut-être aussi une manière finalement de travailler, Serge Linkès. Oui, allez-y. Cet ensemble de choses a pu donner une image un petit peu dévalorisée de certaines œuvres. Mm-hmm. L'Académie française, ça l'a servi, ça l'a desservi pour la postérité? Disons que l'Académie française arrive en 64, au moment où les gens du nouveau roman, eux, reçoivent le prix Médicis, je pense à Simon, ou c'est Nathalie Sarraute qui reçoit le prix international de la littérature, voilà. Et lui rentre à l'Académie française, c'est-à-dire qu'il rentre dans une institution traditionnelle qui correspond à une certaine idée du roman. Et oui, c'est une consécration pour lui en tant que, voilà, il se présente comme un fils d'émigré, mais ça le marque un petit peu quand même négativement en termes d'image. Oui et non. On y reviendra. Je me rappelle qu'étant enfant, et même maintenant, j'ai une telle reconnaissance pour les journalistes ou les écrivains qui savent me faire voyager, c'est-à-dire me faire voir des choses que je ne verrai jamais, parce que, quelle que soit la rage du déplacement, la vie est trop courte et la terre est trop grande pour qu'on puisse tout voir, que, en effet, j'ai ce sentiment, en racontant des histoires que des centaines de milliers, que des millions d'autres gens ne pourront pas connaître, j'ai ce besoin de partager avec eux mes étonnements ou mes craintes ou mes émerveillements. Mais la vraie vérité, c'est que je pense qu'un écrivain a besoin d'écrire comme un cultivateur a besoin de remuer la terre. Oui, mais vous nous disiez que vous avez besoin de faire partager cela, votre émerveillement. C'est, je crois, une générosité qu'on sent dans toute votre œuvre. Ce n'est pas une générosité. Quand vous allez, par exemple, les choses les plus simples, vous allez au cinéma et vous voyez un film qui vous émeut beaucoup, vous êtes content d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez parler de ce que vous avez vu. Eh bien, écrire, c'est un peu ça. Mais c'est de la générosité, tout de même. Enfin, je veux dire que faire partager sa joie, son émerveillement... C'est un peu d'égoïsme aussi. La compagnie des œuvres sur France Culture. Et oui, c'est pour le plaisir finalement que Joseph Kessel écrit. Quand il vit une aventure, il a envie de raconter cette aventure, alors que Jean Ricardou, grand théoricien du nouveau roman, aimait dire, lui, à cette même époque, que ce qui comptait, c'était l'aventure d'écrire et non pas d'écrire une aventure. On a là un peu résumé quand même le positionnement finalement de Kessel. Oui, Kessel est persuadé que il doit partager l'émerveillement qui est le sien, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'émerveillement qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est lié aussi à une empathie, une capacité à communiquer avec les autres, à se rapprocher des autres, qu'il croit nécessaire de partager, alors une première fois à travers le reportage et d'une autre manière à travers le roman. Et évidemment, il est totalement à l'opposé des définitions du nouveau roman qui, elles, sont tournées vers le centré sur l'écriture, qui font abstraction de la réalité, qui font abstraction du personnage, qui font abstraction du narrateur. Et évidemment, toutes ces théories Kessel ne peut fonctionner avec, c'est-à-dire qu'il, pour lui, ces choses-là sont ce qu'il appelle une recherche formelle hermétique. Alors, il dit aussi que certaines fois, elles produisent des œuvres qu'il apprécie, de grandes œuvres, mais que lui ne peut pas écrire dans ce type de choses. Il a besoin de partager ce qu'il découvre, ce qu'il voit, et de créer ainsi un plaisir chez le lecteur. Et ce qui fait évidemment qu'il passe à côté de toutes les modes, que ce soit Oulipo, nouveau roman, absurde, etc. Enfin, absurdité, et toutes ces choses-là, il passe à côté. Il y a un rapport au spectacle chez Kessel. Il veut montrer le spectacle du monde. C'est le sentiment comme ça qu'il donne. Oui, c'est un peu une, chaque texte est une mise en scène, c'est-à-dire que c'est un décor construit, une mise en scène qui est opérée. Alors, il avait aussi fait quelques armes dans le théâtre. Il avait écrit quand il était très jeune, quand il était lycéen, et puis il avait fait Gilles Leray en parlait hier. Il avait fait quelques rôles, quelques petits rôles. C'était plutôt son frère qui était Lazare, qui était doué pour le en tant qu'acteur, mais il a gardé cette habitude de mettre en scène et de faire entrer les personnages et de les mettre en action comme au sein d'un spectacle. Et évidemment, cette chose, et en plus, il y a une sorte de frustration chez lui parce qu'il est toujours quelque part insatisfait du décor qu'il présente au lecteur. Il est toujours insatisfait de la façon dont il rend les couleurs, dont il rend les odeurs, dont il rend les sons. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va tenter de travailler, quand il va en Afghanistan, travailler plutôt dans le domaine cinématographique pour justement un peu compenser cette frustration. Alors, il y a aussi dans cette idée de décor dont vous parlez, Serge Linkès, dans le cinéma que vous convoquiez à l'instant, il y a l'idée de faire découvrir d'autres peuples, de faire découvrir d'autres lieux, un petit peu comme il y avait des séries de connaissances du monde au cinéma. Il y a un côté, venez voir, c'est comme ça que ça se passe, alors en Afrique, en Afghanistan, en Birmanie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière comme ça de montrer un petit peu l'ailleurs? Et est-ce qu'il le montrait finalement avec précision, ou est-ce qu'il le montrait de manière très fantasmée, presque orientaliste? Alors, les deux positions peuvent être convoquées. Tout d'abord, je crois qu'il part comme un écrivain. Alors, je parle de la période avant Seconde Guerre mondiale, hein. Il part comme un écrivain de 1930, qui a la connaissance du monde qu'on a en 1930, et qui part donc avec des clichés. Un peu comme le ferait Paul Morand, d'ailleurs, un peu à la même époque. Il y a une veine presque similaire, oui, du récit de voyage. Voilà. Parce qu'à l'époque, on voyage moins, tout simplement. Chez Londres, etc. Donc, le départ se fait avec un certain nombre de clichés, d'idées, de stéréotypes, que finalement, Kessel reconnaît sur place. C'est-à-dire que ces choses-là qu'il croit et qu'il croit être des réalités, il les voit sur place. Et puis, il y a un deuxième cheminement chez Kessel, ce qui est de dépasser ce stéréotype et ce cliché. Et c'est le moment de la réflexion. Et cette réflexion, elle vient très rapidement au moment du contact. Par exemple, je peux parler de Marché d'esclaves, on pourrait dire la même chose de Vent de sable ou d'autres textes, où finalement, lorsque Kessel dépasse l'image qu'il a emportée avec lui, fait parler les esclaves, il découvre que ses esclaves sont des hommes à part entière, que ces hommes ont des préoccupations qui sont certainement différentes des nôtres, des habitudes, des coutumes qui sont également différentes des nôtres, mais qui sont aussi valable, aussi importante que les nôtres. Et il y a toujours cette espèce de double mouvement, de double détente qu'on retrouve chez Kessel et qui est reproduite dans le roman aussi, hein, parce que parfois, sauf je dis ça, mais en fait dans Fortune Carrée c'est un petit peu mis de côté, c'est-à-dire que l'aventure est tournée vers ces trois héros, Ygritte Chef, Mordom et puis Philippe Loser, donc il met un petit peu de côté cette chose-là. Mais on retrouve dans les reportages cette habitude de partir. Et très souvent, on retrouve dans le reportage les clichés. C'est-à-dire qu'il les affiche, le lecteur l'attend, et puis on attend le sensationnel. Et puis après, il y a la réflexion et la découverte d'autrui. Eh oui, il attend le sensationnel, le lecteur, parce que c'est souvent un lecteur de journal. C'est peut-être pas tant le lecteur que le rédacteur en chef aussi qui attend le sensationnel, non ? C'est-à-dire que l'article est vendu pour être sensationnel. C'est-à-dire que quand on donne un million de francs à un reporter qui part au Yémen et en mer Rouge, on s'attend à ce qu'il ramène quelque chose qui fasse augmenter les ventes. Et c'est exactement la mission qui est confiée à Kessel par et le ça marche d'ailleurs, il fait augmenter les ventes. Oui, ça marche très bien, même plus que le rédacteur et le directeur s'y attendaient, puisque ils sont obligés de refabriquer des numéros, et puis il y a régulièrement des petites notes en bas qui disaient si vous avez manqué tel numéro, vous pouvez le commander, etc. Donc ça devient vraiment une chose qui se vend énormément. Donc cette chose-là, il était évidemment demandé par le rédacteur en chef, par le directeur du journal qui veut faire vendre, et par le lecteur. Mais Kessel réussit quand même à placer autre chose que du sensationnel. Donc il y a une forme d'impureté au fond chez Kessel qui est tout à fait assumée, impureté du rapport au commerce quand même, parce qu'il travaille pour la grande presse, c'est évident, et puis impureté du rapport au cliché, c'est-à-dire que lui-même n'est pas dupe d'être dans une forme parfois de cliché, mais ce qui compte c'est peut-être le livre ou l'article en soi. Est-ce que c'est pas ça ? Le livre d'abord, le décor d'abord, le spectacle d'abord, et puis ensuite, plus ce sera proche de la vérité, mieux ce sera. Mais bon, au fond, ça passe un peu en second. C'est une question que je vous pose. Hein. Oui, je ne suis pas sûr et certain d'être d'accord avec vous là, sur ce point-là. Je n'ai pas dit que je pensais ça. Non, c'est juste une question que je vous pose. Parce que je crois que Kessel part avec ces clichés que tous les gens de son époque ont. Et parce qu'on lui a enseigné, parce qu'il les a vus, parce qu'il les a lus, il croit que ces clichés sont vrais. Et sur place, donc il les reproduit, mais je pense pas qu'il y ait d'intention de se dire, je sais que c'est faux. Mm-hmm. Il est de bonne foi. Mais il est de bonne foi. Il a toujours tenté d'être de bonne foi. Et c'est au fur et à mesure de l'écriture de ces articles qu'on voit le regard de Kessel évoluer. Je repars sur Marché d'esclaves parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il publie le livre Marché d'esclaves en 1933, il ajoute au début un chapitre entier qui est un chapitre de réflexion sur l'esclavage qui a lieu en tout temps, en tout moment, et qui mène une réflexion approfondie sur l'homme identique aussi bien au Yémen qu'en Éthiopie, qu'en France, etc., etc. Et il met en parallèle les différents esclavages dans les différents lieux en disant finalement on est dans la même optique. Sauf que ce texte-là arrive après qu'il ait pris conscience de ce qui se passe au Yémen et enfin principalement là c'est plutôt le jazz, parce que finalement au Yémen il ne voit rien de lié à l'esclavage, et en Éthiopie. Donc je pense que la démarche est sincère, c'est-à-dire qu'il y a Kessel met toujours une sorte de bonne foi dans ce qu'il fait, quelle que soit la chose qu'il fait. Le capitaine surveillait tout. Les essais des moteurs, les départs, les atterrissages, les gestes des mécaniciens. Il trouvait une plaisanterie pour chaque pilote. Ce jour-là, Herbillon fit son premier vol. Le soir approchait, quand le capitaine lui fit le signe qu'il guettait anxieusement. Dans la crainte de retarder le départ, Jean avait apporté dès le matin tout son équipement sur le terrain. Il fut prêt, avec une rapidité qui fit sourire Télis, et bondit dans sa carlingue. Jusque-là, il n'était monté que sur des appareils d'école, de lentes machines d'où l'on voyait, comme d'un balcon, se dérouler le paysage. Maintenant, vibrait sous lui un avion de guerre, solide et prompt, construit pour les combats. Engin de meurtre qui avait un profil de requin. Mais comme l'ouverture où il insérait son corps était étroite, encombrée d'un tabouret, des cartes qu'il emportait et de la crosse des mitrailleuses jumelées, comment s'y mouvoir pour observer à l'aise et pour se battre ? Le capitaine lui demandant s'il était prêt, Herbillon baissa la tête et aussitôt une anxiété voluptueuse caressa tout son corps. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'était un extrait de L'Équipage, lu par Thibaut de Montalembert. On continue de parler de Joseph Kessel avec vous, Serge Linkès. Vous écoutiez attentivement cet extrait. Est-ce qu'on reconnaît, dans ce qui est le premier roman de Joseph Kessel, un petit peu ce qui serait son style ? Est-ce qu'on peut dire cela, qu'il y a une clarté, par exemple, dans la phrase, une forme d'énergie qui caractérise un petit peu la manière d'écrire de Kessel ? Alors, je dirais oui et non, encore une fois, je suis désolé. Vous avez le droit, oui, nous sommes dans la nuance. Tout à fait. Et on est obligé d'être dans la nuance à Kessel, 88 œuvres qui sont toutes différentes, sur des sujets différents. Et dans des styles aussi, des genres différents. De genres et de styles différents. C'est-à-dire que Kessel a une capacité d'adaptation au thème traité, au sujet du récit. C'est-à-dire qu'on comprend aisément qu'on ne peut pas avoir le même style pour traiter de Belle de Jour par la suite dans de Fortune Carrée, c'est-à-dire que ça paraît fort peu probable. Il y a parfois des parentés, c'est-à-dire qu'on retrouve cette veine hyperbolique utilisée dans le reportage Marseille d'esclave qu'on retrouve dans Fortune Carrée par exemple. Donc on est dans le même dans la même, parce qu'on est dans l'aventure, on est dans l'épique, et donc le style de s'adapte à ce moment-là. Mais il y a aussi parfois des moments de réserve même dans ces textes-là, c'est-à-dire que il y a un moment dans Fortune Carrée où Kessel explique que le jeune Philippe Leuzer avec ses espadrilles sent les moindres graviers de la piste qui lui font mal. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire le style n'est pas du tout hyperbolique, on n'a pas de grandes envolées lyriques, et pourtant le texte est troublant de réalité et de vérité, c'est-à-dire qu'on sent soi-même les petits cailloux sous les pieds. Donc il y a toujours de l'émotion ressentie par le lecteur, ou quasiment toujours. Il y a aussi des textes qui sont peut-être moins bons, mais enfin en l'occurrence avec L'Équipage, écrit, je le rappelle, quand même en 3 semaines, ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'il y a une façon d'écrire qui ne semble pas totalement comme ça à la volée. Enfin, on a l'impression qu'il y a quand même un retravail très important. Mais toujours est-il qu'il y a cette émotion toujours présente pour le lecteur. À quoi est-ce que vous l'attribuez ? Par exemple, dans L'Équipage, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on suit comme ça, avec autant de passion, les personnages ? Je crois que tout au long de l'œuvre de Kessel, même dans ce que vous appelez être moins bon, alors, moins bon d'ailleurs c'est relatif, c'est-à-dire que moi j'adore Fortune Carrée et d'autres me diraient que c'est pas un très bon roman. C'est une façon de parler, hein, oui, voilà. Je dis moins bon. Donc je pense qu'il y a, c'est cette sincérité que l'on trouve chez Kessel, qui cette volonté de partage qui fait qu'on se laisse facilement porter. Donc la générosité dont on certaines générosités, une volonté réputé. Voilà de partage. Je disais tout à l'heure qu'il avait une faculté d'émerveillement. Il avait surtout la faculté de partager cet émerveillement. Et surtout, vous dites une chose importante, 3 semaines pour écrire L'Équipage. On pourrait rapprocher ça de Stendhal, d'ailleurs, avec La Chartreuse de Parme, hein, écrite en une 50aine de jours. Et justement, cette façon de d'écrire à la volée, d'écrire dans la foulée de la phrase précédente, hein, parfois sans savoir ce qui va suivre. Hein. Par exemple, Stendhal racontait qu'il a la seule chose qu'il avait en tête en écrivant La Chartreuse de Parme, c'était la mort de Sandrino et rien d'autre. Hein. C'est un écrivain qui ne se regarde pas écrire. Voilà, qui ne se regarde pas écrire, qui ne revient pas sur ses textes. On a pu le vérifier avec les manuscrits, c'est-à-dire que les manuscrits sont très peu raturés. Il y a des notes de régie de départ, des plans qui existent, mais par la suite, la chose est fluide. Donc il sait quand même où il va, oui, et ensuite il se lance. Et je pense que Kessel a aussi une faculté, qui doit être partagée d'ailleurs avec Stendhal, d'une mémoire photographique, une très très bonne mémoire. D'ailleurs, on était très impressionnés dans ses études universitaires et au lycée, parce qu'il a été très vite, parce qu'il apprenait très vite. Il était capable de retenir très vite. Donc, il note très peu. Et ce qui nous semble être un premier jet définitif, finalement, n'est qu'une chose qui a déjà été très longtemps travaillée et certainement qui est déjà arrivé à une très grande maturité, alors que d'autres auteurs, je pense par exemple à Flaubert, ont besoin de beaucoup retravailler sur le papier. Hein, c'est pas le seul, Flaubert, mais Flaubert me vient en tête parce que c'est vrai qu'il est l'exemple de cet homme qui est capable de réécrire 20, 30 fois, 40 fois une même page. Là, Kesset, c'est une chose très rare, il y a très peu de réécriture. Alors, il ne réécrit pas en tant que tel, mais il rumine peut-être un petit peu les mêmes sujets. Et c'est là qu'il faut évoquer la fluidité entre le journalisme et la littérature, parce que il y a un sujet qui est vécu, qui est une aventure que Kessel expérimente. Il en fait un reportage et ensuite il en fait un roman. C'est en général un peu comme ça que ça se passe, Serge Linkès, dans le processus d'écriture. Alors, je vais encore vous répondre oui ou non. Si... C'est très bien. Si je peux. Alors, oui, parce que le point de départ, ce qui lance le sujet, je dis ça en général, aussi bien du roman que du reportage, c'est un événement particulier. Alors, parfois, c'est lié au hasard. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, Balle perdue, le roman qui sera écrit à la suite de son reportage à Barcelone, est simplement un fait du hasard. C'est-à-dire que Kessel est sur place, la révolte commence. Il est en vacances, il n'est pas là pour le travail, il est en vacances, la révolte commence, il prend son carnet et c'est parti. C'est toujours en vacances voilà. Là où il faut. Quand même. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a cette chance et puis il y a des sujets que lui-même a proposés. Hein. Je parlais tout à l'heure de marché d'esclaves, il y a des sujets sur lesquels on l'envoie, c'est le cas pour l'Irlande. Donc dans toutes les circonstances, il est sur des sujets brûlants. Hein, ou des sujets que lui-même propose et parce qu'il sent qu'il y a un potentiel. Par exemple, la piste fauve, l'histoire des Mahomabo, on sent qu'il y a, voilà, Kessel sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça, il y a un problème lié au colonialisme, il y a cette espèce de société un peu mystique, un peu étrange que forment les Kenyans, les Kuyus qui tentent de renverser les Anglais. Donc il sent voilà, le potentiel. Ça veut dire qu'il s'informe aussi beaucoup de ce qui se passe aux quatre coins du monde, qu'il cherche le sujet comme ça en lisant lui-même les journaux. Il est informé. Alors parfois c'est lié au hasard, c'est-à-dire que par exemple le marché d'esclaves, ça part de choses qu'il a vues en Syrie, parce qu'il a vu qu'il y avait des esclaves. Et il se dit tiens, mais il y a des esclaves. Normalement il n'y a plus d'esclavage. L'esclavage est aboli, mais il y a des esclaves quand même. Donc la chose naît parfois d'une simple chose vue ou entendue, et ça suffit à semer la petite graine dans l'esprit de Kessel qui se dit voilà, là il y a quelque chose à faire. Ça c'est son instinct de journaliste, hein, son instinct de reporter. Donc il part sur le lieu du reportage, il fait son reportage. Alors parfois il le fait en tant qu'envoyé spécial, c'est-à-dire qu'il le fait dans la foulée, il câble les articles directement au fur et à mesure de l'avancée des événements et de son déplacement. Parfois, il reste sur place, mais les événements évoluent. Et d'autres fois, c'est par exemple le cas à Barcelone, et d'autres fois, il se déplace pour voir comment la chose évolue ailleurs. C'est le cas, par exemple, au Kenya. Et dans ce cas, il est donc envoyé spécial. Et puis, il y a d'autres moments où il est enquêteur. Alors, enquêteur, c'est-à-dire qu'il prend son temps, il fera son reportage par la suite, une fois que l'enquête complète sera menée. Donc il y a deux attitudes, parfois il a même les deux sur la même place. Au Kenya, il est envoyé spécial pour l'affaire des Mahomabo, et puis ensuite il est enquêteur parce qu'il poursuit pour son voyage pendant 2-3 mois jusqu'au Congo et jusqu'au Congo belge, et remonte au Kenya avec sa femme, Michel. Donc il a des attitudes différentes. De là, naissent évidemment des romans. Mais évidemment, peut-être le terme est abusif, parce que en creusant, on s'aperçoit que ce qui est transposé, effectivement, c'est le décor. Parfois les circonstances, mais et pas les personnages. Des personnages clés qui sont à part une fois, je pense à Bacno, qui sont eux aussi transfigurés. Hein, on les reconnaît, alors ils changent de nom, mais c'est très facile de les reconnaître généralement. On retrouve leur état civil assez simplement. Mais parfois, ce n'est pas ces choses-là qui font naître le roman. C'est quelque chose qui n'a pas été mis en avant dans le reportage. Je pense à Igrishev. Igrishev, c'est un personnage qui est complètement absent de marché d'esclaves. C'est des choses qui sont passées un petit peu... Des détails. Donc, des détails. On ne peut pas dire qu'un roman de Kessel, pour certains d'entre eux, c'est un article augmenté. Ça ne vous va pas, ça comme ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait naître la fiction, le potentiel fictionnel d'un événement ou d'un personnage. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans un roman? Qu'est-ce qu'il va mettre dans un article? Alors, ce qu'il va mettre dans un article, c'est d'abord de l'information, du sensationnel. Et ce qu'il va mettre dans le roman, c'est plutôt l'essence de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il essaie de rendre, par exemple, dans le reportage Marché d'esclaves, il a mis en avant la persistance de l'esclavage. Dans Fortune carrée, c'est pas du tout ce qu'on y voit. C'est-à-dire les esclaves sont presque absents. Il y met autre chose qu'il a vécu pendant le reportage, qui est l'aventure, l'intensité de l'aventure, à travers trois personnages qui sont trois types d'aventuriers différents. Et cette chose-là, il ne pouvait pas en parler dans le reportage. Il ne pouvait pas la mettre en scène. C'était Orion Ga, le plus grand, le plus beau, qui menait la file mouvante. C'était Orion Ga qui portait, accroché à son casque de natte et d'argile rouge, la crinière royale. Toutes les armes, tous les ornements frémissaient, tressaillaient, ondoyaient, cliquetaient au rythme des mouvements qui agitent les jeunes corps vigoureux et sombres et dont le morceau d'étoffe jeté sur leur épaule ne cachait rien. L'un derrière l'autre, ils tournaient, toujours plus vite et plus contorsionnés. Ce n'était pas une marche et ce n'était pas une danse. C'était une ronde faite de tressautements, de soubresauts, d'élans saccadés et aussitôt rompus. Rien ne réglait, ne liait ses pas. Chacun était son maître. Ou plutôt, chacun était maître d'abandonner son corps à la transe qui le désarticulait. Il n'y avait pas une attache, une jointure, une ligature, une phalange qui ne semblât animée de sa vie propre et ne fût secouée de sa propre convulsion. Et ce n'était ni un langage, ni un chant qui s'arrachait des poitrines et des gorges en sons épais et d'une roucité animale pour scander les vibrations des membres désunis. C'était une sorte de cri qui ne cessait pas, heurté, brisé, étouffé, enivré. Chacun le poussait à sa façon, au gré du désir et de l'instant. Et chez l'un dominait la joie, et chez l'autre la souffrance, et chez l'un la plainte, et chez l'autre le triomphe. Et pourtant, dans ces mouvements sans frein, ni ordre, ni forme, et dans ces voix sans cadence, ni accord, il y avait une indéfinissable unité, une harmonie barbare qui ne relevait d'aucune loi, mais prenait aux entrailles. Elle appartenait en un domaine qui échappait au pouvoir des gestes et des rythmes concertés. Elle venait de la profonde fièvre du sang, du défi au destin, du délire de bataille et d'amour, de l'extase tribale. Extrait du Lion, lu par Guillaume Gallienne dans la Compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, de ce qui reste quand même le livre peut-être le plus célèbre de Kessel, Serge Dinkes? C'est un livre assez étrange parce que Kessel a eu tendance à le minimiser, à en faire une histoire un petit peu... qu'il avait écrit un peu par-dessus la jambe. Hein, pour les grands comme pour les petits. Oui, il dit pas forcément ça, il le pense après, mais voilà, je sais pas si c'est pas de la fausse modestie, parce que c'est quand même un livre qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui est quand même assez rare. C'est toujours une des plus grosses ventes du roman français. Oui, hein. C'est vrai, il est toujours classé dans les 5 premiers. Et... En même temps, je pense que Kessel a tout de suite senti, de la même façon qu'il avait senti Fortune carrée ou d'autres romans, il a senti le potentiel qu'il y avait dans cette histoire d'une petite fille qui vit avec un lion. Voilà, le drame qui se déroulait à huis clos dans cette famille. Alors c'est assez étrange ce roman parce que c'est un huis clos qui se déroule au milieu de la savane d'un parc en Bosselli, là, qui est évidemment des dimensions délirantes, mais qui en même temps se retrouve être un huis clos entre un père, une mère, et une petite fille dans laquelle le narrateur reporter, qui ne s'appelle pas Kessel, hein, c'est un reporter, fait éruption et déséquilibre en quelque sorte l'équilibre fragile qui était mis en place par cette famille. Donc il ne s'appelle pas Kessel, le narrateur, mais c'est quand même un petit peu Kessel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu d'autofiction, un petit peu d'autobiographie dans ces romans? Alors, De l'autobiographie, certainement de l'autofiction, non, dans le sens où, évidemment, si on reprend la définition de Dubrovsky, il est nécessaire que le personnage prenne son nom d'auteur et prenne en tant que narrateur, son nom d'auteur. Donc, c'est pas de l'autofiction, mais il y a une forte présence autobiographique qu'on peut retrouver pratiquement dans toute l'œuvre de Kessel. Je m'étais entretenu avec Philippe Lejeune sur ce point parce que je me disais, voilà, comme Kessel est un petit peu partout, il faut essayer de mettre de l'ordre dans cette chose-là. Et Philippe Lejeune, qui est très astucieux, m'a dit, mais Serge, il suffit de réfléchir en se demandant, est-ce que le moi présent dans le texte est l'objet du texte ou est-ce simplement un moyen pour faire naître le texte. Et cette chose-là est très éclairante pour moi, parce que j'ai pu voir qu'effectivement, il y avait deux attitudes chez Kessel. C'est-à-dire qu'il y a celle de l'aventure intérieure, où l'objet où le moi est objet du texte, c'est-à-dire c'est explorer l'intérieur. On retrouve cette chose-là dans le Tour du Malheur, mais on le retrouve également dans Belle de Jour, dans La Passante. Vous dire que Belle de Jour, c'est comme on pourrait dire Madame Bovary, c'est moi, enfin comme Flaubert aurait pu dire ça. Kessel pourrait dire que Belle de Jour, c'est lui. Je pense que Kessel pourrait le dire, d'autant plus qu'il l'a écrit au moment où justement sa femme mourait, qu'il était en train de la tromper. Et qu'il n'arrivait pas à contrôler ses instincts. Il la trompait et puis il jouait également dans tous les casinos et c'était très compliqué. Mmh. On peut écouter justement à ce sujet ce que Kessel explique finalement du fait que lui-même aussi est un voyou, un malotru et qu'il est soumis à ses pulsions. En lisant ces récits, on se demandera peut-être si un écrivain qui n'a été ni soldat de fortune, ni aventurier de profession, qui n'a pas fait partie de la pègre et pas davantage de la police, a véritablement pris part à tant de péripéties singulières, souvent d'une brutalité intense, et s'est donné pour camarade ou ami tant de gens en marge de la société, des lois, de la vie et de la mort. Je n'y puis rien. Il en est ainsi. Ces pages ne doivent pas un trait à l'imagination. Chacune de ces histoires qui ressemblent à des nouvelles ou à des romans en puissance, je les ai vécues. Un simple jeu fortuit, un caprice des ombres du passé, aurait-il réussi à lier des personnages qui s'égrènent sur plus de 40 ans et sous tant de cieux divers, par une sorte d'unité dans la violence et la liberté sans frein? Je l'ai cru longtemps, et j'ai cru en outre que seul m'avait attiré chez mes héros de rencontre leur haut relief, leur poésie de force et de risque. C'était vrai, mais pas tout à fait, et superficiellement. Quand je pense aujourd'hui aux Cosaques sauvages du train blindé, à Moussa, le tueur noir, à Hippolyte, le bataillonnaire, à Stiopa, le massacreur, et que je me revois tel que j'étais alors, je me rends compte que je leur ressemblais dans une part de moi-même. Leurs instincts débridés, déchaînés, leur frénésie à ne connaître pour leur désir, leur plaisir, leur défi au destin, ni convention, ni loi, ni mesure, ni limite, je les portais bien dans mon sang. Parle de lui, là, oui. Serge Linkès, Kessel, dans cet extrait de Tous n'étaient pas des anges, lu également par Thibaut de Montalembert. C'est une confession, ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, je crois que c'est l'explication de pourquoi Kessel était fasciné par Tolstoï et Dostoïevski. C'est-à-dire que c'est à la fois Dimitri et Ivan Karamazov, pardon, et en même temps le Lévin qui termine Anna Karina. Et donc c'est cette espèce de tension que Kessel a toujours connue entre le bien et le mal, cette volonté de faire le bien et puis cette impossible tentation du mal qu'il essaie de contrôler, mais alors parfois qui n'est pas un mal très très anodin, mais qui est parfois est plus difficile. C'est-à-dire que il sait qu'il fait du mal à des personnes. Il a l'impression il se sent responsable de la mort de Sandy. Il n'y est pour rien, mais bon, ou de son frère, de les avoir mal protégés. Alors que pourtant, il a pardonné à son frère d'avoir voler entre guillemets la femme que lui-même avait déjà volée à quelqu'un d'autre. Mais enfin, il est capable de pardonner aussi. Oui, oui, il est capable de. Alors ça, c'est son côté Lévin, c'est-à-dire qu'il est capable de pardonner, c'est-à-dire que il a cette faculté aussi de dépasser. Il ne reste pas miné, c'est-à-dire qu'il ne reste pas dans l'attitude de l'introspection et de se dire voilà ce que j'ai fait est mal. Et il est toujours. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est toujours en train de se jeter dans l'action, de partir en voyage. Cette volonté de toujours partir en voyage quelque part, de ne pas pouvoir rester plus de 6 mois sur un même lieu, montre aussi peut-être un besoin de changer d'air, mais dans tous les sens du terme. Hein. Un besoin de fuite. Un besoin de fuite, oui. Exactement. La rigueur, c'est pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement. Enfin, ce n'est pas un être qui se tient comme ça, droit, comme d'ailleurs sa mère lui a peut-être appris à se tenir, parce que elle, c'était vraiment une femme très très rigoureuse. Alors, je pense que Raïssa aurait aimé qu'il se tienne droit, mais lui, voilà, c'était une capacité qu'il n'avait pas. Il était fasciné. Presque fasciné par le mal et par certains personnages qui, effectivement, étaient des personnages qui n'étaient pas recommandables. Alors parfois, il ne le savait pas, Stavisky, ça lui a échappé, il ne savait pas que c'était un homme malhonnête, mais parfois... Avec Stavisky, finalement, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a toute cette histoire d'argent que Stavisky prête à Kessel avant l'éclatement de l'affaire politico-financière dont il a pris le nom, enfin qui a pris son nom, et il rend l'argent Kessel juste avant. Il y a Mermoz aussi qui est quand même à la fois un grand héros, mais c'est aussi quand même quelqu'un d'extrême droite. Tout ça lui plaît en réalité, justement le mélange des contraires, que ces personnages-là ne soient pas facilement décryptables, qu'ils soient en eau trouble. Il y a une frontière à pas dépasser. La frontière qu'a dépassé Carbuccia ou d'autres, c'est-à-dire que ceux qui rentrent dans le nazisme, ceux qui rentrent dans l'antisémitisme, voilà, cette frontière, on ne peut pas la dépasser. Mais il arrive, évidemment, il se retrouve avec Mermoz, qui est adhérent aux Croix de Feu, le colonel de la Roque, etc., et Kessel réussit à passer outre. Donc parfois, il arrive à dépasser cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a une fascination pour le mal et puis il a l'impression que lui-même pourrait être à leur place. Il pourrait être celui qui a fait le mauvais coup ou qui a volé. Donc il a cette espèce... Donc il a peur de lui-même d'une certaine manière. Je pense qu'il a eu peur de lui-même, c'est-à-dire que il évoque, je crois que c'est dans Combat aussi où il dit, c'est dans un autre texte mais j'ai oublié l'origine, il dit qu'il a il a échappé à cette chose-là simplement parce qu'il a été bien éduqué, mais que il aurait été moins bien surveillé par son père et sa mère, et s'il n'avait pas rencontré quelques professeurs qui avaient cru en lui, peut-être qu'il serait devenu ce voyou de cabaret et plutôt d'être le grand reporter qui allait dépenser son argent au cabaret. Ouais. Est-ce qu'il était ennuyé aussi par les vitres rangées? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette espèce de pulsion à l'action qui finalement ne cadre pas avec une vie calme et une vie d'honnête homme? Oui, il y avait cette... de toute façon, il n'imaginait pas sa vie autrement. Voilà, il ne s'est rangé que par l'obligation de la santé, de l'âge qui venait. Et encore, voilà, quand on le lance pour repartir en Afghanistan, il n'hésite pas 5 minutes. Mais oui, il y a cette espèce d'avoir l'impression qu'on ne vit que si on ne bouge et qu'on est toujours en mouvement et toujours dans l'action. Sana. Au milieu de la coupe prodigieuse de pierre et de lave que ferment les Djebel yéménites, se dresse, isolée du monde et près du ciel. Flanquée de donjons ronds et pesants, cernée par d'épaisses enceintes crénelées, elle est vaste, solide, bâtie en force et tranquillité. Le peuple achève le miracle. Peuple ardent et aimable, pur de traits et de vêtements, qui remplit les souks, les mosquées et les places de son tumulte, de son commerce, de de l'éclat de ses armes, de la violence sereine de sa foi. Il est formé de montagnards aux pas dansants, de caravaniers hâlés, de juifs aux longues lévites blanches et bleues, aux yeux intelligents et doux encadrés de papillotes, de scribes affinés, de marchands au turban de soie, de seigneurs à cheval et suivis d'escortes, de bédouins sauvages dont le torse nu se voit parmi des peaux de bêtes, d'askers déguenillés et farouches, d'enfants beaux et vifs, de femmes voilées. Extrait de Fortune Carrée, description qu'il fait de cette ville de Sanaa au Yémen. La description, c'est important aussi pour quelqu'un qui est un écrivain voyageur. Est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs ? C'est un écrivain voyageur ? Est-ce qu'il serait invité à Étonnant Voyageur aujourd'hui ? Oui, il serait invité. Il a été invité par mon biais en tout cas. Et puis il y avait aussi. Oui, non, j'étais tout seul, il n'y avait pas Gilles Doré. Donc il a été invité post-mortem. Oui, c'est un voyageur. Mais il a cette capacité, il a cette envie de voyage comme l'avait Albert Londres. Albert Londres disait que il était devenu reporter que pour pouvoir voyager gratuitement et avoir les frais qui étaient. Oui, ils ont tous le sens de la formule aussi. Oui. Évidemment. Donc oui, c'est un grand voyageur. Il dit qu'il a été porté vers ce voyage par sa naissance. Oui, c'est vrai qu'il est né en Argentine. Il rentre à Paris, il repart à Orenbourg, il revient à Paris. Enfin voilà, il a toujours été ballotté entre les cultures. Toujours à 18 ans, il fait son premier tour du monde. Alors évidemment, il a une envie de voyager. Mais de tous ses voyages, celui qu'il préfère, c'est l'Afghanistan. Et c'est de cet amour pour l'Afghanistan, et notamment pour ce jeu qui s'appelle le Bouskashi, qu'il va écrire celui qui est peut-être un de ses plus beaux romans, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou c'est peut-être votre roman préféré, Les Cavaliers, Serge Linkès. Est-ce qu'on peut terminer en parlant un petit peu de ce livre ? Oui, évidemment, c'est un roman qui arrive à la fin de la carrière de Kessel. Moi, j'ai une attention particulière pour ce roman parce que une chose m'a marqué, c'est qu'on n'y trouvait pas d'occidentaux et on n'y trouvait pas de traces de Kessel. Enfin, on le trouve diffus d'une façon éparpillé dans le roman, mais on n'a pas de personnage qui on se dit ah tiens Kessel est là, hein, c'est le reporter, hein, c'est l'aviateur. Non, là on trouve pas de personnage qui puisse s'identifier à Kessel. Est-ce qu'il est tellement fasciné par ce qu'il voit que finalement il se retire de la scène? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement en phase avec ce territoire qui est à la fois d'inspiration russe et qui est en même temps qui a en même temps le caractère sauvage des steppes ou des déserts ou de ce qu'il a trouvé au Yémen ou en Éthiopie. Il y a le cavalier, évidemment, cet homme qui est à cheval, et lui haïssait la technologie, mais adorait le cheval. C'est-à-dire que pour lui, la technologie n'avait pas d'intérêt, mais le moyen de transport préféré aurait été le cheval. Il y avait cette chose-là, et puis en même temps, c'est un moment où Kessel est assez construit sa légende. Il a réussi à avoir tout ce que pouvait espérer un auteur reporter de l'époque, c'est-à-dire que tout le monde connaît le nom de Kessel. Il est à l'Académie française, il a vendu des ouvrages par millions. Il n'a plus besoin de se mettre en scène, c'est-à-dire qu'il est il libère l'auteur Kessel et ça donne cette œuvre. Et aussi, peut-être, la violence du jeu, ce Bouskashi, dont il faut décrire un petit peu les règles, qui le fascine sûrement un petit peu. Alors, le Bouskashi, c'est justement l'absence de règles. C'est-à-dire que. Il y a un but quand même. Il y a un but, oui, mais il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitre qui siffle et qui envoie des. Enfin, qui donne des cartons, je ne suis pas très. Ça amène de parler du football, voilà. Mais au foot, il y a ça, je crois. Et donc non, il y a effectivement un cercle qu'on appelle le cercle de justice dans lequel il faut déposer la carcasse et le cadavre. Voilà. Et donc il y a eu évidemment cette fascination pour cette violence qui, en même temps, est une violence. Évidemment, il y a de la catharsis, c'est-à-dire que ça permet, parce que la plupart des Chouendos sont aussi des soldats ou des guerriers, et donc ça permet de, en temps de paix, de calmer les esprits, de se défouler finalement sans faire de guerre. Et puis il y a toute cette espèce de comment dire de d'effervescence complètement délirante. Il faut le voir hein, pour comprendre ce que c'est que le Buscacci. Vous en avez vu vous? Oui, enfin, j'en ai vu à la télévision. Oui, évidemment. Mais même à la télévision, ça prend bien. C'est-à-dire qu'on est là, on est fasciné. Il y a une atmosphère complètement. Je pense que Kessel a été complètement épaté par cette chose-là. Mais on est sûrement moins fasciné que quand on lit son roman Les Cavaliers. Merci beaucoup Serge Linkès pour le lire justement ce roman. On peut se procurer La Pléiade qui est sorti il y a quelques semaines maintenant chez Gallimard et dont vous êtes le maître d'œuvre. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui nous est aujourd'hui proposée par Étienne de Montetier, rédacteur en chef du Figaro littéraire, notre partenaire. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Vous venez nous parler du livre American Dirt de Janine Cummins aux éditions Philippe Ray. C'est un roman que Joseph Kessel aurait peut-être pu écrire, ou du moins qu'il aurait sans doute adoré, non Étienne? Ah oui, c'est certain, parce que c'est un magnifique livre qui a été un grand reportage. En même temps qu'un récit puissant, on retrouve donc bien les ingrédients dont on vient de parler et qui font l'œuvre de Kessel. American Dirt, le titre n'a pas été traduit par les Français, ça signifie poussière américaine, poussière d'Amérique ou crasse américaine. Et de fait, ces éléments, la poussière et la crasse, sont constamment présents dans ce livre, qui est l'histoire d'un exode et d'une violence. Alors, l'histoire, elle est assez simple, c'est une jeune libraire, Lydia, qui voit entrer un client élégant et raffiné dans sa librairie de Acapulco, au Mexique, et qui parle avec elle de littérature, qui est un homme raffiné, un homme charmant, et elle ne se doute pas que ce client est le chef des Jardineros, qui est un des plus terribles cartels de la ville. Et non seulement il est un chef des narcos, mais le mari de Lydia, qui s'appelle Sébastien, enquête justement sur ce personnage. Et la publication de l'enquête, de l'article de Sébastien, va faire basculer la vie de Lydiane, puisque Sébastien et une partie de la famille est aussitôt assassinée, et cette jeune femme, Lydia, est contrainte de prendre la fuite avec son fils pour les États-Unis, afin de mettre 3000 kilomètres entre eux et les tueurs. Donc c'est un récit qui finalement concentre deux tragédies contemporaines. Oui, il y a le narcotrafic qui est décrit de manière très journalistique, très précise, avec ses méthodes barbares. Et puis le phénomène de la migration avec la cohorte des malheureux qui tente de gagner la frontière entre le Mexique et les États-Unis, victime des narcos, des Indes. Lydia essaye de rejoindre la frontière et elle se joint à la cohorte des malheureux. Elle nortait le nord, comme l'appellent les migrants. Ils le font par un moyen de transport que sont les trains, qu'on attrape au vol et sur le toit desquels on voyage, sanglé pour éviter la chute. Les migrants appellent ce convoi, ce train, la bestia, la bête. C'est d'elle qu'ils espèrent le salut, mais qui sera peut-être aussi pour eux l'arrestation ou la mort accidentelle. Et dans ce livre, qui pourrait ressembler à une grande enquête de société sur ce trek au fond d'aujourd'hui, Janine Cummings a eu le talent d'insérer des histoires particulières, celle de Lydia, la jolie libraire, et de son fils, Lucas, mais aussi d'autres personnages, comme Soledad et Rebecca, de jeunes honduriennes, rescapées aussi de l'horreur de cette société. Et ce sont eux qui expriment les sentiments individuels et les expressions qui sont exprimées dans ce roman magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des leçons qui se dégagent de ce roman, Étienne? Oui, la première, elle est terrible, hein, c'est que l'homme est un loup pour l'homme, tout au long de ce roman, bien pour un prêtre compatissant, pour une association accueillante, pour des gens généreux, bien combien d'autres personnes qui, à chaque page, peuvent s'avérer d'être des indicateurs des narcos, ou des détrousseurs de migrants sans vergogne. Ainsi, un des personnages, Lorenzo, qui s'est joint au petit groupe, est-il vraiment un repenti du narcotrafic, comme il le jure? Et même la police, qui serait là normalement pour imposer la loi, est-ce qu'elle n'est pas là pour faire la sienne, c'est-à-dire pratiquer le racket et la brutalité? L'autre leçon, en quelque sorte, elle est exprimée à travers ce personnage de Lydia qui ne cesse de marteler pendant tout le livre « ne pas penser, ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas à la vie d'avant, ne pense pas aussi à ce qui t'attend ». Malheureusement, elle ne peut pas ne pas y penser et faire le point au fond sur ce qui lui est arrivé. Elle était libraire, Sébastien était journaliste. Elle aimait le beau, elle aimait la littérature, lui aimait la vérité. Il croyait à la supériorité de l'intelligence sur la barbarie et ce rêve de culture, de justice a été balayé en quelques minutes par la folie des hommes. Et alors, c'est là où le livre devient très intéressant, c'est qu'un autre rêve s'impose alors, celui d'une vie meilleure dans une sorte d'au-delà, c'est l'au-delà de la frontière, et c'est ce qui donne à ce grand roman contemporain une dimension proprement métaphysique. Voilà, American Dirt, Janine Cummings, traduit de l'anglais par Françoise Adelstein et Christine Hochet. Merci Étienne de Montetti. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Anthony Thomasson. Demain, il sera question d'amour et de résistance avec Dominique Missica qui évoquera la relation entre Kessel et Germaine Sablon durant la Seconde Guerre mondiale.